Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le studio avec une jeune fille française qui est venue nous voir. Et, como siempre, una niña que viene por los intercambios Erasmus. Y se llama, ¿cómo te llamas? Coralie. Coralie, muy bien. Entonces, tú vienes, ¿de qué universidad vienes? Je viens de l'université d'Angers, l'université de Belle-Bay. L'université d'Angers. Vamos a ver, nosotros. Aquí en Salamanca, en la universidad, tenemos también un intercambio con la UCO, que es la Universidad Católica del Oeste. ¿Es la misma? Non, c'est une université différente, c'est l'université privée, on va dire. La UCO Alors, es la université la privada, catholique. ¿verdad? Católica. Voilà. Universidad Católica del Oeste, la UCO. Voilà. Voilà. Entonces, tú estás en la otra. Oui, dans l'université publique d'Angers. Très bien. C'est une grosse université? Oui, une université assez importante qui compte 300 diplômes. Muy bien. ¿Y Oui. qué especialidades tiene esa universidad? Moi, je fais partie de l'université de lettres Faculté de langues, lettres, la faculté de faculté des lettres. lettres, oui. ¿Y qué otras especialidades tiene esta universidad? Alors, il y a du droit, des sciences technologiques, des écoles d'ingénieurs, de tourisme, un peu de tout. Muy bien, sí. ¿Y la católica tiene otras especialidades, verdad? Oui, alors, à l'université catholique, il me semble qu'il y a une filière théologique, Claro. et des filières de langue aussi, et des filières de journalisme. Qué Mais je connais gracia. pas très bien. Es un poco, sí, es un poco como aquí, la civil y la Ponti, ¿verdad? Una universidad católica y puis una universidad civil, chacune avec ses spécificités, mais Ouais, chacune sans doute. avec son offre académique. Muy bien. Bueno, entonces, De tú Laval. eres de Laval. Se escribe Laval, Laval. ¿Es una ciudad importante? Non, pas tellement. Pas tellement. ¿Qué llamas tú pas tellement? Donc c'est une ville de 51 000 habitants à peu près, mais qui compte 100 000 habitants avec son agglomération. Muy Donc bien. l'agglomération, ce sont les alentours qui sont rattachés administrativement à la ville de Laval. Et Laval, c'est une ville tout de même assez importante. Oui, quand même, parce que c'est le chef-lieu du département de la Mayenne. Muy bien. Bueno, ¿explicamos a los oyentes lo que es el chef-lieu con relación al departamento? Oui, c'est donc la ville la plus importante du département, la plus grande. Voilà. Sí, es como un poco la capital de una provincia, pues Voilà. sería un poco la capital de un departamento, ¿verdad? Le Oui. chef-lieu. Muy bien. Voilà. Chef como cabeza, ¿verdad? El lugar cabeza. Oui. Es tan joli, ¿no? Un chef-lieu. Laval, entonces, tiene un río, ¿no? Oui, alors du coup, cette rivière s'appelle aussi la Mayenne. Et la Mayenne, c'est un affluent de la De Loire, la un Loire. des nombreux affluents De la de la Loire. Loire. Et C'est un. Oui, excusez-moi, oui, allez-y. la Mayenne compte 285 000 habitants. Très bien. Donc. Muy bien. Par rapport, con relación a las antiguas provincias de Francia, la Mayenne, la zona de Laval, la Mayenne, ¿a qué antigua provincia pertenecía? Elle appartenait à la province du Maine. ¿Y eso era Bretaña? ¿Tiene que ver Non, con non, Bretaña? non, Ah, ça n'a no. rien à voir avec la Bretagne. Le Maine était une province frontalière avec la Bretagne, mais non, on ne se considère pas breton en Mayenne. Vous n'êtes pas bretonne. Non. Voilà. A pesar de ser rubia, tener ojos azules verdosos o verdes azules, Oui. vous n'êtes pas bretonne. Non, pas du Non. tout. Voilà. Y entonces, en lo que se refiere a regiones europeas, ¿cómo se llama tu región? Alors la région s'appelle les Pays de la Loire Pays de la Loire, sí. et donc elle est composée de 5 départements. Il y a la Sarthe, la Mayenne, les Pays de Loire, Bon, la non, Sarthe, la la Mayenne, Sarthe, la Mayenne, la la Loire Atlantique Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Vendée. et la Vendée. Gracioso, todos llevan un nombre de río, ¿verdad? Oui, Voilà. en Ce effet. sont donc 5 départements qui forment une communauté autonome, lo que sería en español una comunidad autónoma, y Oui. nosotros, qu'en France on appelle région. Voilà. Très bien. Donc, ya está, nuestros oyentes están situados, están en la zona del Loira, sin ser el Loira tradicional. C'est une Loire qui se trouve un petit peu au sud par rapport au Pays de Loire, Voilà. habituel. Ce qu'on appelle touristiquement les Pays de la Loire, hein, les Pays de la Loire touristiques, la Renaissance et tout ça. Nostamos exactamente la misma zona. Oui. ¿Sí? Bon, et alors, qu'est-ce que nous allons recommander à un visitante en Laval? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en Laval, un visitante? Historiquement, un visiteur à Laval pourrait aller voir les thermes gallo-romains, qui se trouvent dans une petite ville à Proche. l'extérieur de Laval, mais très proche. C'est très intéressant à voir, c'est vrai. Bien conservé. Très très bien conservé, oui, en O sea effet. que los romanos tenían buen gusto. Oui. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre à voir dans Laval? Alors, à Laval, la chose la plus imposante qu'on pourrait voir serait donc le château, qui date du XIe siècle, et dont les remparts et le donjon sont très bien conservés aussi. O sea que es una antigua ciudad fortificada, una antigua fortificación. Oui. Et je pourrais même dire que Laval, c'est une ancienne cité C'était médiévale. muy bien, Oui. une ancienne cité médiévale. Oui. Car on peut ici aussi voir le vieux pont qui permettait d'aller de Rennes au Mans, Ah, qui qui traverse traverse la Mayenne. la Mayenne, qui permet d'aller dans l'autre région, dans la région d'à côté. Et Voilà. oui, c'était Voilà, important. c'était très très Oui, important donc de c'est une construire ville ce pont. charnière. Voilà. Très bien, un peu comme Salamanque d'ailleurs, avec son vieux pont qui servait encore hace algunos años, todavía servía para los camiones. Y en Laval también, pasaban los camiones encima del viejo puente. J'imagine, oui, puisque c'était le seul pont qui permettait la traversée. De Et... traverser la ville. Voilà. Très bien, donc un vieux pont, un château, 11e siècle, des murailles. Quedan muchas torres, muchos torreones. Il me semble qu'il en reste 7 sur les 20, 20 et quelques. 27, oui. Oui. Moins bien. Très bien. Et puis quoi encore? Il y a une cathédrale aussi, Oui, parce qui que était c'est. une église mais qui est devenue une cathédrale grâce à son évêché. Voilà, quand on a mis un évêque à Laval, donc c'est Voilà. une ville relativement importante, un obispo, donc c'est bastante importante. Donc Oui. il y a une cathédrale qui date du Moyen-Âge aussi. Oui, aussi, oui. Très bien. Et puis quoi encore? Puis, hay casas. Casas médiévales, todavía, des maisons à colombage. Oui, il en reste, à ma connaissance, au moins une, très jolie, Que tout qui le bien monde va sûr, visiter. voilà. Muy bien. O sea, que es una ciudad medieval que merece también dar una vuelta por allí. Muy bien. ¿Y qué recorrido recomendarías para los visitantes? Alors, pour les visiteurs, je pourrais recommander une petite balade sur une péniche. Une balade sur une péniche. Un paseo en un. Qu'est-ce une péniche? Une péniche, alors ce serait un bateau plat dans lequel, à l'origine, on se servait de la péniche pour pouvoir transporter des marchandises pondérantes. Mais la Mayenne étant un fleuve peu profond, je pense qu'on utilise plus les péniches aujourd'hui pour faire des balades touristiques. Voilà. Ya me imagino que los oyentes han entendido. Que las péniches son esos barcos, como hay en el Sena, como hay en los canales del norte, ¿verdad? Oui. Que sirven para las materias ponderosas y el transporte de materiales pesados y que ahora ya no sirven y se utilizan para el turismo, para visitar. Donc, on fait un petit tour sur la Mayenne avec une péniche. Ça doit être très très joli, j'imagine. Eh bien, chers auditeurs, nous allons écouter une petite chanson. Et puis ensuite, nous reviendrons à Laval pour d'autres renseignements très intéressants que va nous donner Coralie. À tout de suite. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là? Oh, ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a, Guy? T'as quelque chose à me dire? Bah hier, t'étais pas bourré. Ouais, t'étais pire. Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Oh putain, merde, ma caisse! ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi. T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba. J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges. Et en plus, surprise, dans ton lit ça bouge. Sur Scoolaman, t'as été un homme. T'as ramené croisé de Jackie Sardou et d'un Pokémon. T'as du style, t'as du style, t'as du style et mon frère. Quand tu vois Dope, tu ramènes de la bombe nucléaire. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Bon ben, salut, on s'appelle ? Fis remercier 17h, je provoque une assemblée. J'ai des relents de gin, de vodka, de caillé, de saké. T'as l'œil qui part en vrille. Y'a des coins dans vos sourires, on me cache quelque chose. Qu'ai-je pu bien faire de pire? Fallait mani mani mani, et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani mani mani, et mieux la nuit man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas les gars. Bah, t'étais grave hein. T'as pété ton câble. Souviens-toi. Accrochez-vous. Chers amis, nous sommes de nouveau avec Coralie qui va nous expliquer, nous va dire si Laval es una ciudad para jóvenes. Si? ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Les gusta? ¿Se quedan en Laval los jóvenes? Alors, je pense que les jeunes ne restent pas tellement à Laval parce que, en réalité, il y a peu d'activités à Laval pour les jeunes. Oui, c'est un petit peu triste comme ville. Je ne sais pas si on peut dire ça. Il y a des choses à faire, mais il faut connaître Peu de possibilités. Peu de possibilités. Oui. Une ville qui fonctionne un peu en sí misma, non? Alrededor de sí misma, una cosa así. Oui. Bon. Alors, desde el punto de vista industrial, poca cosa en Laval. Pero hay dos cosas. Usted me dijo que había dos cosas interesantes en Laval que vamos a explicar a nuestros oyentes. Primero... Oui, en effet. Alors, à Laval, depuis 13 ans déjà, ils organisent un festival qui s'appelle le Festival des Trois Éléphants. C'est un festival de musique dans lequel on peut écouter des chanteurs qui sont connus nationalement. Internationalement, non, mais nationalement, oui. Et... Pour les jeunes, festival pour les jeunes. Oui, c'est un festival quand même plus pour les jeunes, Voilà, très bien. Donc ça donne, ça, es un poco para dar un gusto a los jóvenes, ¿verdad? Oui. Que tienen pocas posibilidades profesionales, pero por lo menos que se diviertan, ¿verdad? Oui. Pues muy bien. Y después la otra actividad que es conocida en Laval, me dijiste que era... Donc ils organisent un congrès international... Et donc, ça s'appelle Laval Virtuel. Et un macro-congrès. Un grand, grand congrès. Oui. Un congrès énorme, un macro-congrès. Virtual, des techniques virtuales. Voilà. Alors, des créateurs ou ingénieurs du monde entier viennent pour présenter leurs nouvelles technologies. Alors, Sí, entonces Laval, il y a tellement de choses étrangères, ça y est, non? Oui. beaucoup d'étrangers, beaucoup? Surtout des Japonais. Des Japonais, viennent... des Coréens, j'imagine. Voilà, qui viennent présenter. T'as la técnica de l'Oriente Lejano, ¿verdad? Oui. Muy bien. Alors, des techniques, alors ils vous présentent, qui présentent? Surtout des jeux vidéo, des nouvelles technologies par rapport aux jeux vidéo. Mais aussi, on peut voir des sciences médicales ou... Oui, la technologie de pointe. Nouvelle technologie de pointe, oui. Mmh. Pour la médecine. Pour la chirurgie aussi, oui. Très bien. Ouais. Donc, c'est un point de rencontre technologique important. Oui, très bien. Et c'est quelque chose de très, très fermé. C'est quelque chose de... C'est vraiment que des techniciens. C'est vraiment que des scientifiques qui participent à ce congrès, à ce macro-congrès. Alors, oui, ce sont les scientifiques qui présentent leurs nouvelles technologies, mais aussi ils font participer des étudiants à ce congrès pour donc accueillir le public, parce que le public est aussi acteur dans ce congrès. Ils ils font tester le public sur leur nouvelle technologie. Et c'est très, très intéressant et très divertissant. Voilà, c'est curieux parce que c'est un congrès scientifique de haut niveau, mais qui tend un petit peu la main au public. Oui, c'est voilà. C'est très bien. Oui. C'est une très, très bonne idée pour donner de la... revitaliser une ville un petit peu dormante. Très bien. Coralie, merci beaucoup. Je vous en prie. Chers amis, au revoir et à la semaine prochaine.